إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Aujourd'hui on commence le cours 39 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir, Kitab Al-Kaba'ir de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est le livre expliqué par Cheikh Saleh Al-Fawzan. Le livre, il y a les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Donc aujourd'hui on commence un nouveau chapitre qui s'intitule Bab Uqubatul Bukhli. Bab Uqubatul Bukhli. Et c'est le châtiment de l'avarice. Le châtiment de l'avarice, hein? Et on a parlé de Al-Bukhl hier c'était Bab Kitab Al-Bukhl ou Bab Al-Bukhl. Et aujourd'hui, c'est Bab, Uqubat al-Bukhl, le châtiment de al-Bukhl, c'est-à-dire l'avarice. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité un verset et un hadith. Le verset qu'il a cité en premier, c'est « Wa qawlu Allah ta'ala » سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نعم. طيب. Donc ça c'est le verset et le hadith أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وفيه لا توعي فيوعي الله عليك. لا توعي فيوعي الله عليك. Donc pour le verset que le cheikh a cité, c'est le verset 180 dans sourate Al-Imran. Et qu'est-ce que ça signifie? سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Le verset au complet, il est plus long que ça. Ça, c'est juste une partie du verset. Le verset au complet, c'est وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Et donc, le verset au complet dit ce qui signifie que ceux qui gardent avec avarice ce que Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme un bien pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou, hein, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. Au jour de la résurrection, salam alaikum, on leur attachera au cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc, dans ce verset-là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ceux qui gardent avec avarice, hein, ce que Allah leur a donné comme grâce. et qu'au jour de la résurrection, ils vont avoir ça attaché au cou. Et l'autre hadith qui est mentionné, qui est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim également, selon Asma, la fille de Abi Bakr, radiallahu anhu, elle dit, que, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la tu'i fayu'i Allahu alayki. En voulant dire, yani, ne garde pas tes biens enfermés ou fermés dans le sens que tu ne donnes pas, parce que Allah va fermer, hein, va fermer ses biens pour toi aussi. Si tu retiens les grâces que Allah te donne et que tu ne donnes pas ce qui est obligatoire pour toi, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi va fermer, hein, sa grâce. Il ne va plus te donner de sa grâce, hein. Et on va lire l'explication en détail de ce hadith dans les paroles de Cheikh Al-Fawzan après, quand on va lire les commentaires. Il dit, لما ذكر المصنف رحمه الله التحذير من البخل أتبعه بذكر باب عقوبة البخل ولقد توعد الله تعالى هؤلاء بأنه سيجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم فقال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم أي يبخلون بحق المال الذي أعطاهم الله إياه ظنين أن هذا الفعل خير لهم وهو شر لهم ثم بين عقوبة فعلهم هذا فقال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أي يأتون يوم القيامة مطوقين بهذه الأموال يحملونها على أعناقهم وقد جاء في هذا المعنى ما يفسره في الحديث حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Donc on va lire l'explication. Le cheikh, il dit que on a vu dans le chapitre précédent l'avertissement contre l'avarice. Et il a fait suivre ça par le chapitre suivant, c'est le chapitre qu'on lit maintenant, au sujet de la mise en garde contre l'avarice, c'est-à-dire le châtiment que Allah a préparé pour l'avarice, pour les avares. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé les gens qui gardent avec avarice ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, en disant que ce qu'ils ont gardé avec avarice va être accroché à leur cou au jour de la résurrection. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ceux qui gardent avec avarice ce que Allah leur donne de ses grâces ne croient pas que c'est un bien pour eux, au contraire c'est un mal pour eux et c'est mauvais pour eux, et ça veut dire que ils sont avares, et ce qui est un droit, hein, c'est-à-dire ce qui est un devoir pour eux de donner, et c'est un droit que Allah subhanahu wa ta'ala a sur leurs biens, hein, c'est-à-dire qu'ils doivent donner, qu'ils ne pensent pas qu'en gardant cet argent-là pour eux, que ce sera un bien pour eux, au contraire ce sera un mal pour eux. Puis ensuite il explique le châtiment de cette action-là, c'est-à-dire le châtiment qu'ils méritent pour avoir agi ainsi, c'est que au jour de la résurrection, par quoi ils ont été avares, ou ce qu'ils ont été avares de donner, va être accroché à leur cou au jour de la résurrection. C'est-à-dire que ils vont l'avoir accroché au cou et ils vont le porter dans leur cou, cet argent-là. Et l'argent, on sait que c'est pas seulement l'argent en papier, hein, al-mal, yani en arabe. Ça s'applique à tout ce que tu possèdes comme richesse et comme bien. Il y en a, leur richesse, c'est du bétail. Il y en a que leur richesse, par exemple, c'est de l'or, de l'argent, et beaucoup d'autres choses. Donc, ces choses-là vont être accrochées à leur cou, hein? Et donc, c'est grave. Et il dit, il y a un hadith qui explique ça, hein? Et c'est mentionné par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh, il dit... حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع شجاعا أقرع يأخذ بلهزمته أو لهزمتيه والمراد بالشجاع هو الثعبان العظيم الأقرع يعني أقرع الرأس يعني ليس عليه شعر من شدة السم الذي فيه. وقوله يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه وهذا معنى قوله تعالى سيطوقون ثم يلدغه ويخرج ما به من سم. ولا يزال في هذه الحال أو في هذا حال ولا يزال هذا حاله حتى يبعث يوم القيامة والثعبان مطوق في عنقه. وهذا وعيد شديد لمن يبخل بماله. نعم. donc le cheikh il explique que dans ce hadith le prophète صلى الله عليه وسلم il mentionne donc au jour de la résurrection il dit en fait le prophète صلى الله عليه وسلم il dit celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de l'argent et il n'a pas payé la zakat de cet argent, hein, eh bien, qu'est-ce qui va lui arriver au jour de la résurrection? Il va être mutilé par un serpent, un énorme serpent qui est chauve, hein, un serpent chauve qui n'a pas de poils, yani. C'est comme ça qu'il s'est mentionné dans le hadith. Et il va le prendre, il va l'attraper. Attendez juste un instant. Je cherchais la traduction du mot bishitqayhi. Hein? C'est ça, le bord de sa bouche. Subhanallah. Donc c'est ça, il va le prendre par sa bouche ici. Hein? Par les deux côtés de sa bouche. Subhanallah. Donc, la bouche de la personne. Le serpent va l'attraper par sa bouche. Et donc, il va prendre la bouche de la, il va l'attraper par la bouche de la, c'est-à-dire le serpent va attraper la bouche de l'avare, hein, et il dit donc que c'est un énorme serpent, tellement qu'il a un venin fort qu'il n'a pas de poils sur sa tête. Et il dit qu'il va le prendre les deux coins de sa bouche. Et c'est ça la signification ici, parce que il dit هذا معنى قوله تعالى سيطوقون, يعني c'est ça que signifie le fait qu'ils vont lui mettre ça dans le cou, dans le sens que ce serpent là va le mordre, il va lui injecter son venin et il va rester ainsi jusqu'à ce qu'il soit ressuscité au jour de la résurrection. Donc ce serpent, il va être accroché dans son cou. Naam. Donc ce serpent va être accroché à son cou, et ça c'est une menace sévère pour celui qui a été avare et qui n'a pas donné l'argent qu'il devait donner de la zakat. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari selon Abi Huraira radiallahu anhu. أما من كان ماله من المواشي وبهيمة الأنعام لا يخرج زكاتها فإنه ورد في الحديث أنه يعني يبطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ثم ترد عليه وتوطئه بأظلافها وخفافها وتنهشه بأنيابها فإذا أتى عليه آخرها رد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. فالبخل كبيرة من كبائر الذنوب لأنه يحمل صاحبه على منع ما أوجب الله عليه من الزكاة المفروضة والحقوق الواجبة. Donc le cheikh dit, en ce qui concerne celui qui avait comme argent, il avait des bétails, il avait du bétail, hein? Comme par exemple des vaches, des moutons, des chameaux, hein? Des animaux comme ça qu'il avait, c'était ça sa richesse, et qu'il ne donnait pas la zakat de ces biens-là qu'il avait. Eh bien, au jour de la résurrection, tous ces animaux-là vont marcher dessus. Hein, vont marcher dessus avec leurs sabots et ils vont l'encorner. Hein, ceux qui ont des cornes, ils vont l'encorner, ils vont le piquer avec ça et ainsi de suite. Et donc, chaque fois que les derniers ont fini de passer, les premiers reviennent. Ils repassent encore une fois sur lui. Dans une journée dont la durée est de 50 000 ans. Et après, on va lui montrer soit son chemin vers le paradis, soit son chemin vers l'enfer. Voilà, iyadhu billah. Et donc, ça, c'est le résultat de l'avarice, parce que c'est un grand péché parmi les grands péchés. Et donc, c'est parce que cette avarice-là amène la personne à retenir l'argent qui est obligatoire pour lui de dépenser, parce que ça fait partie des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses biens. Et la zakat obligatoire, hein, elle est obligatoire pour lui, donc il doit donner de ce qui est obligatoire pour lui. Et si l'avarice l'amène, hein, à ne pas donner ce qui est obligatoire, dans ce cas-là, il va être puni pour ça au jour de la résurrection. Il dit: « Wa amma hadithu Asma bint Abi Bakr, zawj al-Zubayr ibn al-Awam, alladhi saqahu al-musannif rahimahullah, ففيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها لا تعي فيعي الله عليك، أي لا تمسكي المال في الوعاء من غير إنفاق وتوكي عليه، لا تربطي رأس الوعاء بالوكاء وهو الخيط الذي يربط به، أي لا تمسك المال عندك وتشدي على وعائه برباط كي لا تنفقي منه بخلا وحرصا عليه فتحرم الرزق. Donc c'est ça que le cheikh il explique, que le hadith de Asma, la fille de Abi Bakr, c'est également l'épouse de Az-Zubayr ibn al-Awam, un des grands parmi les sahaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne garde pas ton argent dans un sac ou dans quelque chose qui est fermé sans donner de cet argent-là, parce que si tu fais ça, eh bien, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala va par la suite cesser de te donner de sa subsistance et de te donner de ses grâces. Donc ne sois pas fermé et ne sois pas comme avare à garder ton argent et à l'enfermer dans une poche, dans un sac ou dans quelque chose, puis que tu le fermes avec une corde serrée, puis que tu donnes rien par avarice et par amour pour cet argent-là, alors par la suite Allah il va te priver de sa subsistance. Donc plus tu donnes, plus Allah te donne. Moins tu donnes, moins Allah te donne. Et c'est ça la signification. Et il dit: ويقول الله سبحانه وتعالى فمن جمع المال بعضه على بعض أحصى عدده وجعله في وعاء وكنزه حرصا وتأميلا وجمع فأوعى، أي غلف المال وأوثقه في الوعاء فلم ينفق منه شيئا وإنما بخل وظن بماله عن الفقراء فعاقبه الله بنظير عمله كما قال صلى الله عليه وسلم فيعي عليك، أي يمنع الله عنك الرزق عقوبة لك، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن أنفق الله عليه. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فمن أوعى المال ظنا منه أنه أحفظ للمال فقد أخطأ التقدير، بل على العكس، فإن الله يمنع عنه الرزق ويحرمه البركة في المال، وقد يسلط الله عليه الآفات أو الإفلاس، أو يتعرض المال للسرقة أو للاحتراق، فيسلط عليه سبحانه ما يتلفه. Donc le cheikh, c'est ça ce qu'il explique ici dans ce qu'il dit ici. Il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à propos de celui qui garde son argent et il l'accumule, il fait juste l'accumuler, puis il dépense pas de cet argent là dans le bien, et il ne donne pas de ce qui est obligatoire pour lui de donner à propos de, par rapport à cet argent là hein. Il dit que cette personne là elle ne fait que l'accumuler, puis augmenter ses biens, chercher à augmenter ses biens. Et il cite le verset dans Surat Al-Muzzammil, dans Surat Al-Ma'arij, le verset 18, « Wa jama'a fa'aw'a », c'est-à-dire il amassait et thésaurisait. Et c'est-à-dire il accumulait ses biens, il l'augmentait et il ne donnait pas, par avarice. Et donc il n'aidait pas les pauvres. Hein? Et Allah l'a puni par qu'est-ce qui correspond à ça, c'est-à-dire que puisqu'il ne donnait pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui en a pas donné non plus, il lui a retenu sa subsistance par punition pour lui, parce que la rétribution est toujours, elle correspond toujours à l'action. La rétribution d'Allah, elle va toujours correspondre à ton action. Donc si par exemple toi tu étais avare et tu donnais pas, Allah il va te punir en retenant ses grâces de toi et en ne t'en donnant pas plus. Et il mentionne aussi dans le verset 39 dans Sourate Saba, il dit 39, il dit et toute dépense que vous faites dans le bien, Allah le remplace. Toute dépense que vous faites dans le bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le remplacer, et il est le meilleur des donateurs. Donc, celui qui a amassé plus d'argent en pensant qu'il va yani le garder et qu'il va en avoir plus, il s'est trompé dans son jugement. Hein? Parce que c'est le contraire qui va se passer. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va lui retenir la subsistance, va faire qu'il n'en aura pas plus, et il va lui priver de la bénédiction dans ses biens, et il va peut-être même le punir par des malheurs et par de la faillite, et peut-être que son argent va être volé ou même brûlé, ses biens vont être brûlés ou des choses comme ça. Il va perdre tout, hein, parce qu'il a retenu par avarice son bien, au lieu de faire preuve de générosité et de donner à ceux qui en ont besoin. Et il dit وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ مَثَلًا لِذَٰلِكَ فِي قِصَّةِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أي البستان في سورة القلم فإن الأب كان يفتح البستان وقت الجداد للفقراء ليأكلوا منه وكان يخرج ما أوجب الله عليه فتنزل البركة في هذا البستان فلما مات أبوهم هم أولاده هم أولاده بأمر سوء واتفقوا على أن يمنعوا الفقراء من حقهم ويجدوه في الليل وأن يجدوه في الليل حتى لا يدخل الفقراء ببستانهم فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن عليهم أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين اتفقوا على هذا في الليل فلما ذهبوا في الصباح وجدوا بستانهم قد احترق وصار كالصريم وفي هذا قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم أي أصبح البستان أسود محترقا حتى إنهم ضلوا بستانهم وشكوا أنه هو ثم عرفوه وأيقنوا أن هذا إنما هو بجريرة أعمالهم فقالوا كما أخبر الله عنهم يا ويلنا إنا كنا طاغين وأيقنوا أن سبب احتراقه هو نيتهم في عدم إدخال الفقراء إليه ليأكلوا منه فمجرد نيتهم أحرقت بستانهم والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والشاهد من الآيات الكريمة أن هؤلاء أرادوا أن يوعوا فأوعى الله عليهم، وأرادوا أن يستأثروا بالرزق ولا يخرجوا حق الله فعقبهم الله بجنس فعلهم حيث حرمهم الرزق. Et le Cheikh il mentionne ensuite l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans Surat Al-Qalam. Et on va mentionner donc cette histoire. C'est des gens qui avaient un jardin. Hein? Ils cultivaient hein, des légumes, des choses. Hein? Et yani, le père, celui qui possédait le jardin, il ouvrait son jardin et quand c'était la récolte, il laissait venir les pauvres et il donnait aux pauvres leurs droits que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala faisait toujours descendre la bénédiction sur ce jardin. Et lorsque le père est mort, les enfants, eux, ont pensé à quelque chose de mal. Ils ont dit, on va faire la récolte la nuit. Comme ça, les pauvres, ils ne vont pas venir prendre rien. Et on va tout garder pour nous. Et qu'est-ce qui est arrivé à cause de ça? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber un châtiment sur leur récolte. Et, yani, tout a été détruit. Tout a été détruit, tout ce qu'ils possédaient a été détruit. Quand ils sont arrivés, le matin, ils ont trouvé que tout est brûlé, tout est fini. Il n'y a plus de récolte. Et au début, ils pensaient même que c'était peut-être un autre jardin, ce n'était pas leur jardin à eux. Après, ils ont réalisé que c'était leur jardin, puis après, ils ont dit, c'est nous qui avons fait ça. C'est à cause de notre mauvaise intention, hein, de ne pas donner aux pauvres et de ne pas les laisser rentrer. Et donc, les versets en question, c'est les versets de 16 à 33 dans Surat Al-Qalam. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin, sans dire Inch'Allah, sans dire si Allah le veut. Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait. Et le matin, ce fut comme si tout avait été rasé. Le lendemain matin, ils s'appelèrent les uns les autres, « Partez tôt à votre champ si vous voulez le récolter. » Et ils allèrent donc, tout en parlant entre eux, hein, à voix basse, « Ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui. » Ils partirent donc de bonne heure, décidés à user d'avarice envers les pauvres, convaincus que cela était en leur pouvoir. Puis quand ils virent le jardin, ils dirent, vraiment, nous avons perdu notre chemin. Hein, ils pensaient qu'ils n'ont pas trouvé le même jardin. Ils ont dit, on s'est trompé de place, hein, on s'est trompé de chemin. Et donc, ou plutôt, nous sommes frustrés. Ils disent, le plus juste d'entre eux dit, ne vous avais-je pas dit si seulement vous avez rendu gloire à Allah? Ils dirent, gloire à notre Seigneur. Oui, nous avons été des injustes. Puis, ils s'adressèrent les uns aux autres et se faisaient des reproches. Et ils dirent, malheur à nous, nous avons été des rebelles. Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. Tel fut le châtiment, et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore, si seulement ils savaient. Donc ça c'est pour dire que lorsque quelqu'un il est avare, Allah subhanahu wa ta'ala est avare avec lui. Hein? Et s'ils ont voulu garder leur argent juste pour eux, ils n'ont pas voulu donner de cet argent-là, eh bien, Allah les a punis par la même chose. Par la même chose et il les a privés de ce bien-là. Donc il dit aussi وفي الحديث الآخر أرضخي يرضخ يرضخ لك يرضخ يعني وسعي وسع لك وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم أعط ممسكا تلفا وأعط منفقا خلفا. Ces deux hadiths sont rapportés par Al-Bukhari. Le premier c'est dans le sens de donner, hein? Donne un peu et Allah il va t'ouvrir, hein, de ses grâces. Et dans l'autre hadith, Chaque fois que quelqu'un donne, fisabilillah, il aide les pauvres ou il donne de l'argent aux pauvres, eh bien, il y a un ange, hein, en fait, il y a deux anges qui descendent, et il y en a un qui dit, donne à celui, c'est ça, celui qui ne donne pas, yani fait son bien périr, fait périr son bien. Et celui qui donne, hein, remplace lui par quelque chose de mieux. Donc les deux anges, ils invoquent pour celui qui donne et ils invoquent contre celui qui retient. Et là, le Cheikh Al-Fawzan, il explique les deux hadiths, il dit Irdakhi al-radkhu huwa al-ata al-yasir. Ay, i'ti al-nas yu'tik Allah. Ça veut dire al-radkhu, ça veut dire de donner. Et c'est comme si le hadith disait donne aux gens et Allah va te donner en récompense. Parce que la rétribution et la récompense ou la punition correspond à l'action. Donc, si tu donnes, Allah te donne. Si tu retiens, Allah te retient. فَمَنْ يُعْطِي يُعْطِيهِ اللَّهِ وَمَنْ يُعِي يُعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ سَلَفَ قَرِيبًا شَرْحْ ذَلِكَ وَبَيَانُ وَوَجْهُ إِرَادِهِ إِرَادَ الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ الَّذِي يُعِي وَيَبْخَلْ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُعِي عَلَيْهِ ويمسك عنه وأن الذي يعطي يعطيه الله ويبارك له في رزقه. Donc celui qui retient et qui est avare, Allah il retient, hein, contre lui aussi. Et celui qui donne, Allah lui donne plus et il lui donne la bénédiction dans ses biens. أما قوله صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم اعطي ممسكا تلفا والمنفق يخلف الله عليه ويبارك له في رزقه قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وأما الممسك فإن الله يتلف ماله وهو يظن أن الإمساك أحفظ لماله ولكن على العكس هو أتلف فهو أتلف لماله والجزاء من جنس العمل. Et donc le hadith, c'était juste une partie qui a été mentionnée. Le hadith au complet, il dit qu'il n'y a pas un jour dans lequel le serviteur se lève excepté que Allah fait descendre deux anges et ils disent oh Allah, donne à celui qui donne et remplace lui son bien. Et il dit oh Allah, celui qui retient, yani, eh bien, fait ses biens périr ou fait qu'il ne va pas avoir plus. Donc celui qui donne, Allah lui remplace son bien et lui donne de la bénédiction dans son bien et lui augmente son bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, ce que vous dépensez de quoi que ce soit que vous donnez, eh bien, il va vous le remplacer, il va vous en donner d'autres. Hein? Et il dit, et il est le meilleur des donateurs. Donc celui qui retient, Allah retient son bien. Hein? Il lui fait perdre son bien. Tandis que celui qui donne, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne plus. Donc la personne qui retient son bien, elle pense qu'en le retenant, elle va en avoir plus, alors que c'est le contraire qui se passe. La réalité, c'est le contraire. Naam. Donc on a fini ce chapitre. On a fini ce chapitre. On va lire l'autre chapitre qui suit. Bab uzdira al-ni'ma wal-istighfaf bi-hurumatillah. C'est-à-dire le chapitre au sujet du fait de mépriser la grâce d'Allah et de diminuer ou de dénigrer les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qu'il a interdit. Et le cheikh dit voilà yurid al-musannif rahimahullah hadha al-bab fi hadha al-bab shay'an fa huwa yani bayad fi al-asl وربما سقط من النسخ الموجودة في هذا الباب أو أن المؤلف بيضها ليرجع إليها ولكنه لم يرجع إليها على كل حال فالترجمة كاملة. Donc le cheikh il dit que dans ce chapitre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a juste mentionné le titre mais il n'a pas mis de verset, il n'a pas mis de hadith, c'est juste le titre seulement. Donc peut-être qu'il a dit à l'endroit où il y avait ce chapitre là où il y avait ce titre là il y avait une page blanche, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'écrit. Il dit peut-être que c'est l'auteur qui l'a effacé ou bien qu'il l'a laissé comme ça, il voulait revenir à ce chapitre plus tard, finalement il ne l'a pas fait. Mais bon, Cheikh Al-Fawzan il a mentionné quelque chose, il a expliqué le titre. Donc il dit wa qawluhu izdira'u an-ni'ma ay ihtiqaruha fala yajuzu lil-insan an yahtaqira an-ni'ma bal 'alayhi an yahtarimaha wa yajullaha wa li hadha qala sallallahu alayhi wa sallam unzur ila man huwa dunakum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'azza wa jalla. Donc le cheikh dit il faut pas mépriser la grâce d'Allah. Mépriser la grâce d'Allah, c'est un grave péché. Ce n'est pas permis. Il dit, tu dois plutôt la respecter hein, et l'honorer, cette grâce. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, regardez ceux qui sont en dessous de vous, hein, dans les choses de la vie, de la dunya, ou de l'argent, ou de la richesse, ou de peu importe, la beauté, la force. Regardez pas ceux qui sont plus hauts que vous. Regardez ceux qui sont plus bas que vous. Et ça va faire en sorte que vous n'allez pas mépriser la grâce d'Allah sur vous. Parce que si tu dis, oh regarde lui, il a plus d'argent que moi, il a plus de force que moi, il est plus beau que moi, il en a plus que ci, plus ça, et ainsi de suite. Alors tu commences à mépriser la grâce d'Allah sur toi, et tu oublies tous les biens que Allah t'a donnés. Hein? Donc ça c'est pas correct. Au contraire, regarde ceux qui sont en dessous de toi, et ça va faire en sorte que tu vas apprécier et respecter et aimer la grâce d'Allah. Hein? Et tu vas voir qu'il t'a fait de nombreuses grâces. Et donc il dit, « Fi dunya, unzur ila man huwa dunaka, min al-fuqara wal-masakin, warhamhum. Wa la tanzur ila al-aghniya wa ashab al-amwal wa al-tharawat, fa inna al-nazara ila al-fuqara'i yu'arrifuka يعرفك نعمة الله عليك فتشكره عز وجل على ما أعطاك أما إذا نظرت إلى الأغنياء وما هم فيه من الترف فإنك ستحتقر ما أنت فيه وتزدري نعمة الله عليك. Donc le cheikh il dit dans la vie d'ici-bas, regarde ceux qui sont en dessous de toi, les pauvres, et ceux qui ont peu, et fais leur miséricorde. Ne regarde pas les riches, les gens qui ont beaucoup de richesses, qui ont beaucoup d'argent. Parce que si tu les regardes eux, c'est comme si tu vas oublier les grâces que Allah t'a faites. Hein? Et tu vas pas penser à être reconnaissant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Si tu regardes les riches, et qu'est-ce qu'ils ont comme outrance et comme richesse, tu commences à mépriser les grâces que Allah t'a faites, et ça c'est mauvais. Parce que il dit wa man izdara ni'matillahi wa ihdariha wa ilqa'iha fi an-nafayat wa turuqat khassatan idha zadat 'an al-haja fa 'ala al-muslim an yujilla an-ni'mah wa yuqaddiruha. وإذا كان عنده فضل من طعام فإنه ينبغي أن يدفعه إلى المحتاجين والفقراء. Donc il dit, si t'as trop de nourriture ou t'as un surplus, il faut pas le gaspiller, il faut pas le jeter, il faut le donner à ceux qui en ont besoin parmi les pauvres. Hein? Tu vas pas gaspiller cette grâce que Allah t'a donnée. Il dit, فإن من الناس من هو بحاجة إليه ولا يجده أو يحتفظ به لمرة قادمة فإن عدم الشكر النعمة سبب لزوالها. Donc toi peut-être que tu en as plus besoin de cette nourriture, tu la veux plus, mais il y en a d'autres qui sont pauvres et qui en veulent, hein, et qui en trouvent pas, hein, ou bien qu'ils le gardent pour une autre fois. Donc il dit de ne pas être reconnaissant envers les grâces que Allah t'a données, eh bien ça fait en sorte qu'il ne va plus t'en donner dans l'avenir. Hein, il va faire que tu n'en aies plus. Et comme c'est mentionné dans le verset 7 dans sourate Ibrahim, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Donc ça c'est le verset 7 dans sourate Ibrahim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement de faire preuve de reconnaissance envers ses grâces et de ne pas être ingrat, de ne pas être ingrat. Et dans ce verset dans sourate Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie: et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. D'accord. Donc ensuite le cheikh il dit: wa fi qissati saba ma yubayyinu anna izdira ni'matillah sababun fi salbiha minhum faqad an'ama Allahu alayhim bi tayyib biladihim wa rahati as-safar fa kanu yasiruna min al-Yaman ila bayt al-Maqdis fayabituna fi qaryatin wa yulquna wa يقيلون أو يقيلون في أخرى وكانوا لا يأخذون معهم زادا ولا ماء في القرى متصل فالقرى متصلة ببعضها والأمن والطعام متوفر فيها بالإضافة إلى جوها الطيب فاحترقوا هذه النعمة ولم يقدروها وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا فازدراء نعمة الله عز وجل عندئذ دمر الله عليهم بلادهم وخرب ديارهم ومزقهم كل ممزق وبدل النعمة نقمة وقال الله سبحانه وتعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق أي يتحدث الناس بما حصل لهم من النكبة كل هذا بسبب عدم شكر النعمة وعدم الاعتراف بها وتقديرها. Donc le cheikh il explique aussi qu'est-ce qui est arrivé avec les gens de Saba, hein, à l'époque et dans la ville, c'était au Yémen. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans sourate Saba que les gens ils avaient une bonne vie, que quand ils voulaient ils pouvaient voyager du Yémen jusqu'à la Syrie, et que pour eux le voyage était facile parce que les villes étaient toutes les unes à proximité des autres. Donc ils pouvaient partir sans provision, s'en aller dans une ville, hein, et dormir, puis ils partaient après, ils arrivaient dans l'autre ville, ils pouvaient faire une sieste. Ils continuaient leur chemin comme ça, pas besoin de provisions, pas besoin d'amener beaucoup d'eau avec eux. Tout était, les distances étaient, il y en a facile à parcourir. Puis eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils ont demandé à Allah d'éloigner. Leur voyage. Subhanallah. Comme il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثِ. Il dit, ils ont demandé à Allah et invoqué Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner les étapes du voyage, comme dans le verset. Et ça, c'est dans les versets 15 à 19, dans Surat Saba. Il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leurs habitats, deux jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez-lui reconnaissant. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Mais ils se détournèrent. Nous déchaînâmes contre eux l'inondation du barrage et leur changeâmes leurs deux jardins aux fruits amers, tamari et quelques jujubiers. Ainsi les rétribuâmes-nous pour leur mécréance. Hein? Et serions-nous sanctionnés autre que le mécréant? Et nous avions placé entre eux et les cités que nous avions bénies d'autres cités proéminentes. Et nous avions évalué les étapes de voyage entre elles, voyager entre elles pendant des nuits et des jours en sécurité. Puis ils dirent, « Seigneur, allonge les distances de nos étapes. » Et ils se firent du tort à eux-mêmes. Et nous fîmes d'eux donc des sujets de légende et les désintégrâmes totalement. Et il y a en cela des avertissements pour tous les grands endurants et grands reconnaissants. Donc ça c'est pour dire que des gens ils ont la vie facile, la belle vie, des choses, ils sont aisés, ils sont à l'aise, Allah leur a donné tout le bien, puis au lieu d'être reconnaissants envers Allah, ils font preuve de mépris envers ses grâces et ils renient ses grâces et donc Allah les a punis de cette façon-là à cause de ça. Et il dit وهكذا حال الناس اليوم فهم في بحبوحة من العيش وقد من الله عليهم بنعم لا تعد ولا تحصى بعد أن كانت يعني حلما للناس من قبل سواء في المساكن أو المطاعم أو المشارب أو المراكب فإنهم شكروها فإنها ستدوم لهم وإن كفروها وازدروها فحري أن يغير الله هذه النعمة ويبدلها نقمة ويجعل الأمن خوفا ونعوذ بالله من فجاءة نقمته وتحول عافيته. Donc le cheikh il dit, voici l'état des gens aujourd'hui, c'est comme ça. Hein? Les gens maintenant aujourd'hui sont dans plein de bonnes choses, hein? Une bonne vie les gens, hein, aujourd'hui. Quand tu compares la vie des gens aujourd'hui à comment elle était auparavant, les gens le disent. Moi, je sais, ma grand-mère, ici, elle m'a parlé comment les gens vivaient ici avant. Hein? Ils ont dit, on était pauvres, les gens avaient des grandes familles, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Hein? Et donc, la vie était très difficile, très dure. Même pour le cheikh, il parle maintenant, lui, il vit en Arabie Saoudite. Si tu recules en Arabie Saoudite, peut-être 50 ans en arrière, 100 ans en arrière, avant le pétrole, la vie était dure. Les gens vivaient comme ça, c'était très très difficile. Aujourd'hui, Allah, il nous a donné plein de facilités. L'électricité, les bonnes nourritures qui nous viennent toute l'année, les fruits et les légumes, hein, en plein hiver, on a de l'eau chaude et froide, on ouvre le robinet, hein, l'eau coule chez toi. Subhanallah. Toutes ces choses-là, là, c'est des grâces que Allah nous a données. On ne réalise pas, mais on peut les perdre comme ça. Du jour au lendemain, il y a des gens qui vivaient très très très bien dans des pays où ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, ils sont devenus comme... Hein, ils ont tout perdu ça. Ils n'ont plus rien de ça. Hein? Donc c'est pour dire que il faut savoir être reconnaissant pour les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout ce que tu possèdes de grâces et de biens, que tu commences à le prendre pour acquis, c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala il peut te l'enlever tout. Après, les gens ils regardent dans certains pays, ils disent, oh, regarde ces gens-là, comment ils sont pauvres, comment ils vivent, hein, la vie est difficile pour eux. Et toi, tu dis, ah, moi j'ai ça, alhamdoulilah. Il y en a, ils disent même pas alhamdoulilah. Il y en a, ils disent même pas alhamdoulilah. Ils prennent ça pour acquis. C'est nous, on a fait ça. Hein? Avec nos mains, on a construit ça, on a fabriqué ça. Hein? Et ils sont comme fiers. Et puis, ils sont pas reconnaissants envers Allah. Allah, il peut leur enlever tout ça du jour au lendemain. Hein? Donc, c'est pour ça, il faut, comme je dis, être reconnaissant. Et le cheikh il dit donc que il faut être reconnaissant envers ce que Allah nous a donné. Et si on est reconnaissant, ces choses-là vont rester avec nous. Si on est ingrat et on les méprise, ces grâces, Allah peut changer notre situation de cette grâce et la faire devenir un malheur. Et il peut changer notre sécurité en crainte. na'udhu billah. Donc on cherche le refuge en Allah contre le malheur subit qui vient subitement, et le fait de changer son état, l'état de d'aisance et de dans lequel on est dans le bien, puis que ça se transforme en autre chose. Donc ça c'est très grave. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala donc de continuer à faire descendre sa grâce sur nous et à nous donner de plus en plus de bien, nous préserver de tout mal et de nous aider à être plus reconnaissants envers tout le bien qu'il nous donne. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.